السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بما أنه لم يبقى من ذي الحجة، من شهر ذي الحجة، إلا أياما قليلة، فاستحسننا أن نتذكر أو نتعلم بعضا مما ورد من فضائل الحج، لعل الله أن يوفقنا إلى الاستعداد له. Donc après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala et prié sur notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam, à partir du moment où Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés et nous a enseigné la raison pour laquelle il nous a créés, et ça n'est autre que le fait de l'unifier d'un culte sincère, et que parmi les plus grandes adorations, il y a le hajj, le pèlerinage, et qu'il ne reste que quelques jours avant l'entrée de ce mois, parmi les bonnes choses, le fait de se rappeler les bienfaits qui nous sont parvenus dans les textes ayant un trait à cette grande adoration, à ce rite qui a la plus grande importance dans notre religion. Voici un enfant qui veut qu'on tabakha sunna dans la mosquée. Il ne veut pas qu'on fasse le dhikr avec le chapelet, veut qu'on fasse comme avec le prophète, comme le prophète sallam faisait avec sa main droite peut-être. Hadha huwa mumkin. Tayyib. Sahl adi ma fi mushkila. Il n'y a pas de problème. Un enfant qui joue dans la mosquée, il n'y a rien d'étonnant. Tayyib. Mais s'il dérange trop, on va le corriger. Donc il faut qu'il se tienne bien. Tayyib. Donc, on disait qu'il reste que quelques jours avant l'entrée du mois du Hajj. Et c'est pas une adoration comme les autres. C'est une adoration qui a la plus grande importance, au point où Allah subhanahu wa ta'ala en a fait un pilier dans sa religion. Un des 5 piliers de l'islam. Qad thabata fi hadith ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصوم رمضان. Donc le pèlerinage est un des 5 piliers de l'islam, une des 5 fondations sur laquelle repose la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, l'islam repose sur 5, c'est-à-dire sur 5 bases. Ensuite, il cita ces 5 points. Le premier point, le fait de témoigner que nulle divinité ne mérite véritablement d'être adorée, si ce n'est Allah. Ce pilier-là, et la chose la plus importante, et le point le plus important. Et l'ensemble des piliers de l'islam ne pourra pas reposer sur des bases saines si ce n'est en entrant par cette porte. Si ce n'est en entrant par cette porte, al-shahada. Et sans cette shahada, il n'y a pas d'islam. La personne peut prier, jeûner, accomplir le pèlerinage, s'acquitter de l'aumône, lier les liens de parenté, se comporter convenablement envers ses parents, à partir du moment où il n'a pas prononcé cette parole-là, en ayant la science de cette parole-là, et la croyance de ce qui découle de cette parole-là, alors il n'aura pas d'islam. Alors il n'aura pas d'islam. C'est la raison pour laquelle c'est la première chose à laquelle on appelle les non-musulmans. Et c'est la première chose qu'on enseigne aux musulmans. Car on arrive à une époque où l'ignorance s'est répandue d'une manière désolante. Il nous faut donc revivifier la religion avec laquelle est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en commençant par les bases. Et certes, tout l'islam a son importance. Que ce soit les mu'amalat, les transactions, al-adab, les comportements, al-ibadat, les adorations, al-aqaïd, la croyance. Mais il te faut commencer ce par quoi a commencé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté à Mecca une dizaine d'années en appelant les gens à la purification de la croyance. Et toute adoration qui a été légiférée n'est venue que pour réaliser ce but. كل ما شرع الله سبحانه وتعالى من العبادات والأحكام إنما هو لتحقيق هذه الغاية إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. هذا من أهم الأمور. Tout ce qui a été légiféré comme adoration, comme règle, comme jugement, tout cela est venu pour réaliser ce but, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. وَبِحَمْدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. On voit chaque jour que des dizaines de personnes entrent dans l'islam. Et ils entrent par cette porte-là, le premier pilier de l'islam. Le deuxième pilier, l'accomplissement de la prière. 5 prières. Et celui qui effectue ces 5 prières-là a un pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala de le faire entrer au paradis. Et celui qui la délaisse sera avec Pharaon, Aman ou Qaroun. Et celui qui la délaisse, faqad kafar, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui la délaisse aura mécru, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique. Par contre, tu auras la récompense de 50 prières. Et la prière est la seule adoration qui a été ordonnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était dans les cieux. L'ensemble de la législation lui a été révélée alors qu'il était sur la terre. Par contre, pour cette noble adoration, Allah subhanahu wa ta'ala a élevé son prophète sallallahu alayhi wa sallam vers lui pour lui enseigner cela. Et même Jibril alayhi sallam n'a pas pu dépasser ce niveau. Donc la prière a la plus grande importance. La personne qui entre dans l'islam, qui a aimé Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de tout, a purifié son cœur de l'adoration de tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, doit agir. Car la foi, ça n'est pas qu'une parole prononcée sur la langue, mais c'est une croyance dans le cœur, des actes avec les membres et une parole sur la langue. Et parmi les meilleures adorations réunies sans cela, as-salah, la prière. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne la zakat, l'aumône, le fait de sortir de tes biens une part destinée aux pauvres ou aux catégories de personnes citées dans Sourate At-Tawbah que le musulman qui a des moyens devra donner. Puis dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit le fait d'accomplir le pèlerinage à la maison, c'est-à-dire Al-Ka'ba. Et cela est une des plus grandes adorations et c'est ce qu'on va développé ici, Inch'Allah Ta'ala. Puis, le prophète sallam a dit dans ce hadith, et jeûner le mois de Ramadan. Le pèlerinage est une obligation. C'est un pilier de l'islam. C'est une obligation. Fardu ayn ala kulli muslimin wa muslimatin bi quyud al-aql wal-qudra wal-bulugh. ونزيد شرطا للنساء وجود المحرم وجود المحرم. Donc le pèlerinage est une obligation. مرة واحدة في العمر. C'est une obligation une fois dans sa vie. Pour celui qui a atteint la puberté, qui a la raison. En ce qui concerne le pèlerinage de l'enfant, il est valable. Mais il devra quand même s'acquitter après la puberté du pèlerinage de l'islam. Le pilier. La raison. Et la capacité. La capacité s'englobe plusieurs choses. La sécurité du chemin. La capacité financière pour effectuer le pèlerinage. Faire l'aller et le retour. Et laisser les provisions à ta famille. S'il te manque une de ces trois choses-là, dans ton cas, le pèlerinage ne sera pas obligatoire. Et c'est une obligation une fois dans ta vie. Une fois dans ta vie. Mais celui qui médite les textes qui nous sont parvenus de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il verra que cela nous est recommandé le plus possible dans notre vie. Celui qui a les moyens, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a facilité, qu'il essaye d'accomplir le pèlerinage chaque année. S'il ne peut pas tous les 2 ans, s'il ne peut pas tous les 3 ans, et qu'il essaye de ne pas dépasser 5 années. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui à qui Allah a facilité dans sa subsistance, puis ne vient pas en visite 5 ans, 5 années, n'aura pas été reconnaissant ou bien n'aura pas tiré profit. Ou comme قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال ربنا سبحانه وتعالى مبينا حكم الحج في كتاب الكريم ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. Allah dit dans le Coran, et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens de faire le pèlerinage à la maison. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Et celui qui se montre ingrat, ou bien celui qui ne croit pas, certes Allah se passe largement des mondes. Dans ce verset, tu comprends que le pèlerinage est une obligation. Le pèlerinage, c'est une obligation. Donc on doit s'efforcer de l'effectuer. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas ordonné le pèlerinage car il était dans le besoin de tes actes. الله سبحانه وتعالى هو الغني الحبيب وقد صرح بذلك في الكتاب الكريم كما في هذه الآية وقال أيضا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. الله من القرآن أو vous les gens, vous êtes tous dans le besoin devant Allah. Et Allah est le riche, le digne de louange. Allah subhanahu wa ta'ala possède toutes choses, nous et nos actes, et tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre. Et Allah, si on l'adore, wa shakur, il est reconnaissant. Il nous récompensera, nous préservera du feu de l'enfer et nous fera entrer dans son paradis. Et si on ne l'adore pas, dans tous les cas, c'est al-hamid. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on l'adore ou qu'on ne l'adore pas, il a la perfection. Et il n'a pas besoin de nos actes d'adoration. Donc si tu effectues le pèlerinage, tu n'ajouteras rien dans le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu te seras fait du bien à toi-même. Et tu vas entendre une partie de ces bienfaits, inshallah ta'ala. Wa qala an-nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, ya ayyuhan nas, إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith que l'imam muslim rapporte, ô vous les gens, certes Allah vous a ordonné le pèlerinage, alors accomplissez-le. Alors accomplissez-le. Et de nombreux bienfaits nous encouragent à effectuer cette grande adoration. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وبرسوله. إيمان بالله ورسوله. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم أي؟ قال حج مبرور. حج مبرور. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut questionné, quelle est la meilleure action? Il répondit, d'avoir foi en Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui posa la question dit ensuite au messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, le combat dans le sentier d'Allah. Il lui demanda, et ensuite? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, un pèlerinage mabrour. Certains savants ont expliqué le mot mabrour disant loin de toute désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parfaitement effectué. Durant ce pèlerinage, tu n'as pas commis de shirk. Tu n'as pas commis d'innovation. Tu n'as pas manqué de respect aux personnes. Tu vas patienter lors de la difficulté. Alors, tu rentres dans ce hadith. Donc, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a permis d'accomplir le pèlerinage, فليحمد ربه فقد وفق إلى عبادة من أجل العبادات ومن استطاع أن كرر هذه أن يكرر هذه العبادة فليفعل ويحمد ربه فإنما هو الذي وفقه ولولا الله ما صلينا ولا تصدقنا وَمَا عَمِلْنَا وَلَا سَجْدَةً وَاحِدَةً فَالْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ كَمَنْ عَمَا عَلَيْنَا كَثِيرًا. Donc, celui qui a accompli le pèlerinage une fois dans sa vie, qu'il se montre reconnaissant vers Allah subhanahu wa ta'ala, car certes Allah lui aura facilité un chemin énorme dans son adoration et une porte grande ouverte vers le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et combien sont les personnes qui ont les moyens financiers, la santé, la sécurité du chemin et du temps, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, alors que leurs cheveux sont devenus blancs, ils n'ont pas eu encore l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour effectuer cette grande adoration. Et tu trouves l'un d'entre eux qui a plusieurs épouses et plusieurs maisons à plusieurs étages. Mais lorsqu'on lui demande de sortir le mahr pour entrer au paradis, tu vois qu'il n'arrive pas à mettre sa main dans sa poche. Il n'arrive pas à mettre sa main dans sa poche. Pourquoi? Parce que la dunya a pris une grande place dans son qalb. Il a oublié qu'Allah a créé la dunya pour qu'il puisse s'aider de cette dunya pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et toi, tu n'as pas été, et c'est pas le contraire, c'est pas toi qui as été créé pour la dunya. Fakunu min abna il akhira. ولا تكون من أبناء الدنيا كما قال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. الحج من أعظم أسباب غفران الذنوب. Le pèlerinage, c'est une des plus grandes causes pour se voir pardonner ses péchés. وكلنا ذلك العبد الناقص ذو عيب ونقص ذو فقر وذنب فحيا بنا ندخل في هذا الباب وقد وعد ربنا سبحانه وتعالى لمن عمل الصالحات مغفرة منه سبحانه وها هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه فهل يسبع المؤمن الصادق مع الله سبحانه وتعالى الذي قد امتلأ قلبه حبا لله وتعظيما له وإجلالا يسمع هذا الحديث ثم لا يحدث نفسه بالحج. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui effectue le pèlerinage sans approcher son épouse ou bien sans accomplir de perversion, وَلَمْ يَفْسُقْ, et ne commet pas de grands péchés, reviendra de ses péchés comme le jour où sa mère l'a mise au monde. Celui qui effectue le pèlerinage avec ces conditions citées, il reviendra de son pèlerinage à l'image d'un nouveau-né. À l'image d'un nouveau-né. Tahir. Nazif. Khafif al-Haml. Il reviendra du pèlerinage comme un enfant qui vient de naître. Sans péché. Sans péché. Allah subhanahu wa ta'ala lui effacera tout. Et quelle bonne nouvelle pour celui qui rencontre son Seigneur avec une balance lourde du côté des hasanat et vide du côté des péchés. Et si tu rencontres Allah et qu'Allah accepte une action de ta part, tu rentreras au paradis. C'est pour ça que certains salafs disaient, si je savais qu'Allah acceptait une seule de mes actions, je serais satisfait. On lui a demandé pourquoi cela. Il a répondu, car Allah dit dans le Coran, إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Car Allah n'accepte que des gens pieux. Car Allah n'accepte que des gens pieux. Donc celui qui effectue le pèlerinage, celui qui veut se voir ses péchés pardonnés, celui qui a su ce qu'il a fait en public et en privé, celui qui a su combien de prières il a retardé, combien de prières depuis sa puberté il a délaissé, combien de mensonges il a prononcé, combien de fois il a désobéi à ses parents, combien de fois il a manqué de respect à ses frères, à ses sœurs, combien de fois est-ce qu'il a rompu les liens de parenté, et combien de péchés, et combien de péchés avons-nous commis durant cette courte vie qu'on a eue jusqu'à présent. Donc chaque personne doit chercher une porte par laquelle il pourra entrer, se voir pardonner ses péchés. Et ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'informe d'une porte grande ouverte. Et Allah subhanahu wa ta'ala yad'ouka wa anta al-abd wa Allah la yahtaju ilayk wa anta al-muhtaju al-faqir ila rabbika rabbil alamin wa ma'a dhalik رحمة بك ولطفا ورحمة يدعوك إلى هذه العبادة العظيمة. الله t'appelle à cette adoration. Pourtant il n'a pas besoin de toi et toi tu es dans son besoin. Toi tu es dans le besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voici une adoration énorme par laquelle tu pourras te voir pardonner l'ensemble de tes péchés. Wa hadith akhar عن ابن شماسة قال حذرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلا وقال فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أبسط يمينك لأبايعك فبسط يده فقبضت يدي أي امتنع عن البيع فقال ما لك يا عمرو قال أردت أن أشترط فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم تشترط ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم تشترط ماذا قال أن يغفر لي قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج المبرور، أو قال وأن الحج يهدم ما قبله. فهذه بشارة عظيمة من البشير النذير الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم. فأسلم رضي الله عنه. Un homme dit, j'ai assisté, ou bien j'ai témoigné de Amr ibn al-As, où j'étais présent lorsque Amr ibn al-As était en train de mourir. Il était en train de mourir. Et c'est alors qu'il s'est mis à dire, ou bien il s'est mis à pleurer énormément. Il était en train de mourir, dans sa maladie de mort. Et il s'est mis à pleurer longuement. Énormément. Ensuite, il dit, lorsqu'Allah a fait rentrer l'islam dans mon cœur, et de cela que tu comprends que tu n'es pas musulman parce que tu es plus fort que les autres, ou tu es plus intelligent que les autres, ou parce que ton père c'est un tel, ton nom de famille c'est telle chose. Non. Mais tu es musulman parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, arhamur rahimi, اختارك لهذا الدين. T'es musulman parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu du bien pour toi. Et si ce n'était pas Allah, tu te serais noyé dans les ténèbres de la mécréance et du polythéisme. Et combien chaque jour Allah subhanahu wa ta'ala sauve de ces ténèbres certains de ses serviteurs qu'il a choisis. فَالْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَنَا لِهَذَا الدِّينِ الَّذِي لَا يَرْضَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى دِينًا سِوَاهُ. Donc si tu es musulman, c'est qu'Allah a voulu ton bien. Et si tu es musulman, c'est qu'Allah t'a accordé la réussite. Car sans Allah, tu n'aurais pas pu entrer dans cette religion. Et tu n'aurais pas pu réussir. Et tu te serais noyé dans les ténèbres de la mécréance. Donc, Amr radiallahu anhu, ou bien Abdullah ibn Amr nous dit, lorsqu'Allah a mis l'islam dans mon cœur, je suis parti trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je lui ai dit, ô messager d'Allah, tends ta main afin que je te prête allégeance. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tendu sa main, j'ai retenu ma main. J'ai retenu ma main. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, que t'arrive-t-il, ô Amr? Je lui ai répondu, j'ai envie d'émettre une condition. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, et quelle est-elle? Que veux-tu conditionner avant de te convertir? Alors Amr, Abdullah ibn Amr lui a dit, non Amr plutôt, Naam, Amr ibn al-As, lui a dit, qu'on me pardonne l'ensemble de mes péchés passés. Je veux entrer dans l'islam, mais j'ai des péchés que j'ai commis avant l'islam. Je veux qu'on me pardonne l'ensemble de ces péchés. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a donné la meilleure éducation à ses compagnons, lui a dit une parole qui remplit le cœur de celui qui veut le bien d'espérance en Allah subhanahu wa ta'ala. Lui disant, n'as-tu pas su, ô Amr, que l'islam efface tout ce qui est passé avant? C'est-à-dire celui qui se convertit, qui entre dans l'islam, Allah lui pardonne tous ses péchés. L'ensemble de ses péchés, subhanallah. Ensuite il lui dit, et que l'égir, c'est-à-dire le fait de quitter un pays de cave, comme celui-ci, vers une terre d'islam. Le prophète sallam lui a dit, n'as-tu pas su que l'égir efface tout ce qu'il y a avant? Et que le pèlerinage efface tout ce qui s'est passé avant. Wa shahiduna min al-hadith. Le pèlerinage efface tout ce qu'il y a avant. Tout ce que tu as commis. Réfléchis à l'ensemble de tes péchés. Et Allahu A'lam, on ne pourrait pas les dénombrer. Certains s'est souvenu. On s'en est souvenu, Allah nous a fait tous les repentis. Certains on a oublié. Dans ce cas-là, il faut faire un repentir général. Et une des meilleures adorations comprenant un repentir sincère, le pèlerinage. Si tu accomplis le pèlerinage, convenablement, selon les règles et la science que nous a transmise le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors Allah te pardonnera l'ensemble de tes péchés. الحج من أسباب الرزق من أسباب تحصيل الرزق الطيب. Certaines personnes n'accomplissent pas le pèlerinage. Pourquoi? Ils disent, moi certes j'ai de l'argent, mais j'ai deux enfants, j'ai un enfant, j'ai quatre enfants. D'autres disent, j'ai pas fini de construire ma maison. D'autres disent, si je sors cet argent-là, comment je vais faire pour faire telle chose? D'autres disent, j'ai pas envie de quitter mes enfants. D'autres, j'ai pas envie de quitter mon épouse. D'autres et d'autres et d'autres. Que des excuses et en rapport avec la dunya. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il t'ordonne une chose, ne crois pas que le bien qui découlera de cette adoration-là te reviendra que dans ta religion. Ça revient aussi à ce bas monde-là, à ta dunya. Quand tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, Allah te préserve dans ta religion et dans ta dunya. Wa dalilu dhalik ma qalahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam li ibn Abbas: Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat, ihfazillaha yahfazuk. يحفظك في ماذا؟ قال ابن رجب رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم: يحفظك في دينك ودنياك، في مالك وأهلك وذرياتك حتى بعد موتك، ويحفظك قبل ذلك أو مع ذلك في دينك. Le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit: préserve Allah, c'est-à-dire préserve les limites d'Allah. Accomplis ce qu'Allah t'a ordonné, éloigne-toi des péchés, Allah te préservera. Il te préservera dans quoi? Dans ta religion et dans ton argent, ton épouse, tes enfants, ta maison, ta santé et l'ensemble de ce que tu possèdes. L'ensemble de ce que tu possèdes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Tabi'u bayna al-hajj wal-umra, fa innahuma yanfiyani al-faqra wal-dhunub. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: faites suivre entre le hajj, le pèlerinage, et le petit pèlerinage, la umrah, la visite. Faites suivre cela. Accomplissez le hajj, ensuite la umrah. La umrah, ensuite le hajj. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: car cela repousse la pauvreté et les péchés. Efface la pauvreté et les péchés. Certains salafs ont dit: ويحك يا ابن آدم لو كنت خائفا من الفقر أو لو كنت خائفا من النار كما كنت تخاف الفقر لدخلت الجنة. Certains parmi les anciens ont dit: malheur à toi, fils d'Adam, si tu avais peur de l'enfer comme tu as peur de la pauvreté, tu rentreras au paradis. Tellement les gens aiment la dunya. Si tu avais peur de l'enfer comme tu crains la pauvreté, tu finirais au paradis. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça lorsqu'il a vu l'amour que les gens avaient pour la dunya? Or qu'ici le prophète sallam nous apprend que d'accomplir le hajj puis la umra, c'est une cause de richesse, pas une cause de pauvreté. Si le prophète sallam nous informe que sadaqa, une sadaqa, ça ne diminue pas ton argent, qu'est-ce que tu penses de ce que tu dépenses pour faire le hajj? Sans aucun doute, ça ne diminue pas ton argent. Au contraire. Au contraire. Et un frère qu'on connaît bien a accompli le pèlerinage, il n'avait rien, il n'avait pas d'argent. Il n'avait pas d'argent. Lorsqu'il est revenu, il a fait l'umra avant ça. Ensuite, il a accompli le pèlerinage. Il était pauvre d'épouse, il était célibataire. Pauvre dans ses poches, il n'avait pas d'argent. Et il travaillait que très peu. Lorsqu'il est revenu, Allah subhanahu wa ta'ala lui a facilité une femme pieuse, nahsabuha kadhalik wallahu hasibuha. Et un travail, il l'a enrichi, et aujourd'hui il est bien plus riche que beaucoup de personnes. Il l'a enrichi par des enfants. Un enfant, puis deux, puis trois. Donc, dans les textes, on trouve cela. Et dans le waqi'a, on trouve cela. Que celui qui fait le hajj et la umra, son argent augmente et sa pauvreté disparaît. Et c'est pas que la pauvreté financière. Plus que ça. Tu deviens riche ou tu deviens moins pauvre dans différentes catégories. Dans différentes catégories. Le fait d'avoir une femme pieuse, c'est une richesse. Si elle n'est pas pieuse, c'est un malheur. Mais si c'est une femme pieuse, c'est une richesse. Le fait d'avoir des enfants, c'est une richesse. Le fait d'avoir la santé, c'est une richesse. Wa hakada. Wa ghina ghina al-qalb. الحج سبب رفعة الدرجات في الدارين عن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله له بها حسنة ومحى عنه سيئة ورفعه بها درجة Le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit La monture du pèlerin ne lève pas une patte ou ne lève pas sa jambe sans que par ce et ne la pose sans que par ce pas là Allah lui donne une récompense lui efface un péché et l'élève d'un degré celui qui médite sur ce hadith lorsque tu vas partir de France jusqu'à Mecca il y a combien de pas Il y a combien de milliers de kilomètres ? Environ 6000 kilomètres. Environ 6000 kilomètres. Combien de milliers de péchés Allah va te pardonner ? Et combien de milliers de hasanat Allah va te donner ? Et combien tu seras élevé de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala ? Si les gens t'élèvent de leurs paroles alors que tu n'es pas pieux, ça va te servir à rien. De la même façon, s'il te dénigre et parle sur toi, comme le fait de te faire sortir de la sunna alors que tu es cramponné sur cette sunna, ça ne te nuira en rien. Tout comme ça n'a pas nui au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'ils ont dit « Sahirun majnun kadhaq » Ça ne lui a pas nui. Pourquoi ? Parce qu'Allah l'a élevé. « Fid dunya qabla al-akhirah » De la même façon, toi, n'attends pas que les gens t'élèvent de leurs paroles. Car si tu n'es pas pieux, ça va te servir à rien. Au contraire, si c'est par ostentation que tu faisais ces actes-là, Allah yawm al-qiyamah va te dévoiler. Et va dire que tous ceux, ou bien nada munadin, amman ashraka billahi fi ibadati, fal yadhab wa yatlub من شريكه الأجر هل يجد شيئا يوم القيامة يا quelqu'un qui va appeler et va dire oh vous qui avez associé à Allah qui avez effectué des actes avec ostentation allez trouver ces gens là pour qui vous avez fait vos actes dans la dunya et regardez est-ce que vous trouvez une récompense auprès d'eux si Allah ne t'élève pas qu'est-ce qui va t'élever après et si Allah te rabaisse à cause de tes péchés. Qu'est-ce qui va venir t'élever après ? Personne. Personne. Ibrahim alayhi salam est celui qui a élevé le Kaaba, El Musharrafa, Khalil al-Rahman, le deuxième des meilleurs prophètes et messagers. Celui qui a cassé les idoles de sa main. Et pourtant, le prophète sallam nous dit Yalqa Ibrahim abahu Azar yawm al-qiyam. Ibrahim va rencontrer son père, Azar, le jugement dernier. Et sur son visage, il y aura de la poussière. Son visage sera terne. Ensuite, Azar dira Ibrahim, aide-moi, aide-moi. Ibrahim lui dira, Alam aqul lak la ta'sini. Ne t'ai-je pas dit au mon père de ne pas me désobéir? Azar répondra, Elioma, la asik. Aujourd'hui, je ne te désobéirai pas. Lakin fatal awan. Mais ce sera trop tard. Ensuite, Ibrahim essayera quand même d'être profitable envers son père, tout comme il l'a été dans la dunya. Regardez l'enfant pieux. L'enfant qui a été éduqué par Allah subhanahu wa ta'ala, comment il se comporte. Même yom al-qiyama. Pourtant, son père l'a viré. Pourtant, son père l'a chassé. Il l'a dénigré. Yom al-qiyama, il essaiera de lui être profitable. Il dira à Allah, « Ey Rabb, alam ta'idni alla tukhziyani yom ad-din. Ô Seigneur, ne m'as-tu pas promis de ne pas m'humilier le jour de la résurrection ?» Le jour des comptes. Wa ayyu khizyin a'zam min abi al-ab'ad. Et quelle plus grande humiliation que de voir son père éloigné, c'est-à-dire jeté en enfer. Que va répondre Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Celui qui possède tout l'ordre dans sa main. Celui qui dirige tout ce qui se passe dans les cieux et la terre. Celui qui contrôle tout et qui décide de tout. Que va répondre Allah, Rabbul Alamin. Inni harramtu al-janna ala al-kafirin. Subhanallah. J'ai interdit le paradis pour les mécréants. Ensuite, on va changer le père d'Ibrahim en hyène ou la femelle. Ensuite, on va le prendre et le jeter en enfer. Ibrahim alayhi salam, un des meilleurs prophètes, n'a pas pu être profitable pour son père. Toi, tu n'as pas comme Ibrahim alayhi salam dans ta famille, ni dans tes amis, ni dans tes enfants. Si tu rencontres Allah subhanahu wa ta'ala, sans provision, avec de la désobéissance, et la pire désobéissance, le fait de lui donner un associé, qui est-ce qui pourra venir t'aider? Une des meilleures provisions que tu peux prendre pour rencontrer ton Seigneur est le Hajj. Le Hajj. Et on n'a pas légiféré le Hajj si ce n'est pour voir se réaliser la perfection du Tawhid. Chacun des rites du Hajj est rempli d'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avant même d'arriver à Mecca, tu dis Talbiya, qui est rempli d'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hajj, du'a'uhu mustajab. Al-Hajj, du'a'uhu mustajab. Le pèlerin, ses invocations sont acceptées de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le pèlerin est l'invité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une délégation qui répond à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu es invité chez un savant, tu te vantes de cela et tu es content de cela. Et c'est tout à fait naturel. Mais imagine-toi l'invité du Seigneur des mondes. Tu réponds à l'appel du Seigneur des mondes. À l'appel qu'Ibrahim a prononcé, alayhi salam, il y a des siècles de cela. Allah lui a ordonné d'appeler au pèlerinage. Et aujourd'hui, celui qui répond à cet appel-là, c'est l'invité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-hajj wal-ummar وفدullah وفدullah دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم ما أعظمه من حديث. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le pèlerin, celui qui se rend au pèlerinage et celui qui se rend pour effectuer l'umrah sont les invités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une délégation qui va vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il les a appelés et eux lui ont répondu. Subhanallah. Tu réponds à l'appel d'Allah tabaraka wa ta'ala. Si tes parents t'appellent et tu leur réponds, c'est un honneur et une obéissance. Walillahi al-mathalu al-a'la. À plus forte raison, si le Seigneur des mondes, le Créateur de toutes choses t'appelle et tu lui réponds, tu es l'invité particulier d'Allah. Rabbil Alamin. Tu es une délégation qui se rend pour effectuer le pèlerinage pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il les a appelés, c'est-à-dire Allah les a appelés, et ils lui ont répondu. Quand tu sors de chez toi, n'oublie pas cela. Quand tu vas sortir pour effectuer le pèlerinage, ne sors pas pour comme si tu allais faire des courses, comme si tu allais au travail, comme si c'était un jour banal. Tu vas répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et combien de millions de personnes n'ont pas pu répondre à cet appel? Et toi, Allah t'a élevé, t'a choisi, t'a fait grâce afin que tu puisses répondre à son appel. Fala hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Sal rabbak at-tawfiq wa as-sadaq. Sal rabbak an yu'inaka kay tahujj. Chaque frère et chaque sœur doit s'humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala et lui demander l'aide afin de faire partie de ceux qui ont répondu à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ceux qui ont effectué le pèlerinage pour Allah subhanahu wa ta'ala. Car celui qui effectue le pèlerinage a certes effectué une adoration immense, une cause d'entrer au paradis, une cause de se voir pardonner ses péchés. Il revient comme le jour où sa mère l'a mise au monde, subhanallah. Et plus grand que cela, celui à qui Allah a facilité le fait d'emmener ses parents en pèlerinage, après l'avoir effectué lui-même, ou bien emmener son épouse. Hadi makruma. Ça, c'est un honneur. Et peu sont les gens qui ont pu faire cela. Une des meilleures causes de la réussite dans la vie conjugale, le fait d'effectuer le pèlerinage avec son épouse. Et wallah. Combien sont les gens qui emmènent leurs épouses en vacances dans des pays de kufr? Elle lui fait un scandale, ils l'emmènent en Espagne ou je ne sais pas où. Certains les emmènent au ski. Certains les emmènent. Voyage et va en vacances dans un pays musulman, il n'y a pas de mal. Mais ya akhi, pourquoi est-ce que tu ne l'emmènes pas au Hajj? Pourquoi est-ce que tu ne l'emmènes pas au Amra? Wallahi, ce sera le voyage de sa vie. Après avoir été le tien. Ce sera le voyage de sa vie, wallah. Après avoir été le tien. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allah les a appelés et ils lui ont répondu. Subhanallah. Ça c'est un hadith azim. Ils lui ont demandé, ils l'ont invoqué. Alors il leur a répondu. Tu fais du'a, t'es un pèlerin ou une femme qui effectue le pèlerinage. Ne sois pas distrait des du'a. Car tu as une place particulière auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as répondu à son appel. Alors Allah subhanahu wa ta'ala exaucera tes invocations. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam man hajja aw man mata fihi ay fi al-hajj kutiba lahu ajru al-hajj aw ajru hajj ila yawm al-qiyamah. N'aie pas peur. Même si tu meurs au Hajj, tu n'auras rien perdu, au contraire. N'aie pas peur de ceux que tu as laissés derrière toi. C'est Allah qui va s'en charger. C'est Allah qui va les préserver. C'est Allah qui va leur donner leur subsistance. Et toi, tu n'es qu'une cause. Mais c'est Allah qui décide. Si tu meurs au Hajj, tes parents ne vont manquer de rien. Ton épouse ne manquera de rien. Ton enfant nouveau-né, wallah, il ne manquera de rien. Allah subhanahu wa ta'ala s'en occupera. Et celui dont Allah prend soin, tu n'as rien à craindre pour lui. Comme mal. Rabbun Rafur, Latifun, Raniyun, Razzaq, Samirun, Basir, Walillahi l'Asbaul Husna. Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, celui qui est doux, celui qui entend tout, celui qui voit tout, celui qui donne la subsistance, c'est lui qui s'en occupera. Tu n'as rien à craindre. Et mieux que ça, comme bonne nouvelle pour toi, le prophète sallam te dit, celui qui meurt au pèlerinage, celui qui meurt au pèlerinage aura la récompense de celui qui effectue le pèlerinage jusqu'au jour de la résurrection. Jusqu'au jour de la résurrection. Donc, tout comme tu ne dois pas craindre la pauvreté, tu ne dois pas craindre la mort dans ton chemin vers cette grande adoration qu'est le pèlerinage. وَيُبْعَثُ مُلَبِّيًا أَيْضًا. Aussi sache que lorsque la personne sera ressuscitée, celui qui est mort pendant le pèlerinage, il sera ressuscité en train de prononcer cette parole énorme. Labayk Allahumma labayk. Labayk la sharika laka labayk. Inna alhamda wal ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Tu es ressuscité yawm al-qiyamah en prononçant cette parole, subhanallah. Je réponds à ton appel. J'accours vers toi, oh Allah. Tu n'as pas d'associé. Tu n'as pas d'associé. Tu seras ressuscité en train de dire cette parole. Subhanallah. Alors que certains seront ressuscités avec ce qu'ils ont volé. Certains seront ressuscités avec de l'alcool. Avec ce qu'ils ont volé dans le butin, et ainsi de suite. Chaque personne sera ressuscitée selon la façon dont elle est morte. Certains seront ressuscités en tant que personne ayant commis l'ostentation, comme c'est venu dans la hadith authentique. Et Allah va le dévoiler ce jour-là. Or que toi, Inch'Allah, tu seras ressuscité et tout le monde verra que cette personne-là était au pèlerinage. Était au pèlerinage. En train d'accomplir une adoration immense. Les bienfaits du pèlerinage sont bien plus nombreux que cela. Sont bien plus nombreux que cela. Du début, du moment où tu sors de chez toi, au moment où tu reviens, tu es en train de prendre des hasanat. Si tu es sincère envers Allah et que tu agis en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pendant ton pèlerinage, tu pourras tirer profit de la science des grands savants qui se trouvent en Arabie Saoudite. Pendant ton pèlerinage, tu pourras prier à Mecca, en face de l'Kaaba, et tu auras alors pour chaque prière, toute prière confondue, 100 000 hasanat. 100 000 hasanat. Dans une mosquée, à la base, tu as 23 ou 25 ou 27 hasanat. Lorsque tu viens prier, là-bas, tu auras 100 000 hasanat, subhanallah. Quand tu pries sur un mort, salat al-jinaza, tu as un qira. Un qirat, c'est l'équivalent de Uhud. Vous avez vu la montagne de Uhud? Une montagne, une grande montagne. Quand tu pries sur le mort seulement, tu as une montagne. Et si tu restes jusqu'à la fin, lorsqu'on l'enterre, tu as deux montagnes. Ben sachez qu'au Masjid al-Haram, à chaque salat, tu pries au moins sur trois morts. À chaque salat. Des fois, tu pries sur cinq morts. Des fois, tu pries sur le mort, ou sur cinq morts, ou trois morts, et ensuite, ils refont une annonce et tu repries encore sur des morts. Combien de montagnes de hasanat? Chaque pas, des hasanat. Chaque pas, on t'enlève des péchés. Chaque pas, on t'élève de degré. On te pardonne des péchés. Combien de hasanat? Et pour finir, pas dans les hasanat, car seul Allah subhanahu wa ta'ala sait les récompenses qu'il a prévues pour les serviteurs qui ont effectué le pèlerinage. Je vais finir en vous lisant un hadith qui est un petit peu long. Un hadith ibn Omar radiallahu anhu m'a dit: Kuntu jalisan ma'an nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et cela est le hadith qui englobe le plus de bienfaits attribués aux pèlerins que j'ai trouvé. كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد منى فأتاه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف فسلم ثم قال يا رسول الله جئنا نسألك فقال إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألان عنه فعلت وإن شئتما أن أمسك تسألان فعلت إذن إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألان عنه وإن شئتما أمسكت وسألتموني أو وتسألاني فعلت فقال أخبرنا يا رسول الله فقال الثقفي للأنصاري بل سل أخبرني يا رسول الله. Donc deux hommes sont venus voir le prophète sallam. Parmi les habitants de Médine et un de la tribu de Thaqif. Le prophète sallam les a vus et leur a dit: si vous voulez, je vous informe de la chose dont vous êtes venu m'interroger. Vous cachez quelque chose en vous. Vous voulez me questionner sur une chose. Si vous voulez, sans que vous me demandez, je vous réponds. Et si vous voulez, je me tais et vous posez votre question. Alors la personne a dit, informe-nous au messager d'Allah. Dis-nous. Et la deuxième personne a dit à son compagnon, pose-lui la question. Mais il a préféré se taire et a dit, informe-nous au messager d'Allah. فقال النبي صلى الله عليه وسلم جئتني تسألني عن مخرجك من بيتك تأم البيت الحرام وما لك فيه من ركعتك بعد الطواف وما لك فيهما وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه وعن رميك الجمار وما لك فيه وعن نحرك وما لك فيه مع الإضافة مع الإفاضة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans qu'il lui ait posé la question, leur a dit, tu es venu toi m'interroger sur ta sortie de ta maison lorsque tu te diriges à la maison sacrée pour effectuer le pèlerinage et ce que tu as comme récompense. Tu es venu pour me questionner sur les deux rak'ah que tu effectues après le tawaf. Tu es venu pour m'interroger, et les récompenses que tu as après cela. Tu es venu pour m'interroger sur les pas et le chemin que tu parcours entre la montagne de Safa, de la montagne de Safa à Marwa et de Marwa jusqu'à Safa. Et les hasanat que tu auras. Tu es venu m'interroger sur les récompenses que tu as à gagner lorsque tu égorgeras la bête. Et tu es venu m'interroger sur les récompenses que tu auras lorsque tu jetteras les pierres sur la stèle et ensuite sur le sacrifice et le dernier tawaf. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a informé sans qu'il lui ait posé la question. Ça prouve une chose. Ça prouve que c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Véritablement. Et qu'Allah l'a informé avant même qu'il lui ait posé la question. فويل للكافرين الذين كذبوا هذا النبي الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. Alors malheur à tous ceux qui ont démenti ce messager. Malheur à eux, في الدنيا والآخرة, s'ils ne reviennent pas à l'islam et s'ils ne reconnaissent pas la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a dit, tu es venu m'interroger sur les récompenses que tu as gagnées lorsque tu sors de ta maison afin d'effectuer le pèlerinage et que tu te diriges vers la maison sacrée, c'est-à-dire Al-Masjid Al-Haram. Tu es venu m'interroger également sur les deux unités de prière que tu accomplis après la circumambulation lorsque tu tournes autour de l'Kaaba et les récompenses que tu auras. Tu es venu m'interroger sur le chemin que tu prends entre Safa et le Marwa, sont deux monts. Et les récompenses que tu auras. Tu es venu m'interroger sur la station à Arafat. Le temps que tu passeras à Arafat. Et les récompenses que tu auras à gagner. Et sur les pierres que tu jetteras sur les stèles. Et les récompenses que tu auras. Et sur le sacrifice. Et les récompenses que tu auras. Que tu auras à gagner. مع الإفاضة فقال والذي بعثك بالحق عن هذا جئنا نسألك. L'homme lui a répondu, par celui qui t'a envoyé avec la vérité, c'est exactement sur cela que nous voulions te questionner. Ensuite قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام لا تضع ناقتك خفا ولا ترفع إلا كتب الله لك بها حسنة ومحى عنك خطيئة وما أما ركعتك وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, lorsque tu sors de chez toi, ta monture ne fait pas un pas, est-ce que tu diriges vers la Mecque, ta monture ne fait pas un pas sans qu'Allah te pardonne un péché et te donne une récompense. Sans qu'Allah te pardonne un péché, t'élève d'un degré Taïb, il a commencé d'abord par dire, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'élève, sans qu'Allah te donne une récompense et te pardonne un péché. Chaque pas que tu fais pour te diriger à l'Kaaba, Allah te pardonne un péché. T'élève d'un degré et te donne une récompense. 6000 km environ. Pour toi mon frère et toi ma sœur. En ce qui concerne les deux unités de prière après avoir accompli le tawaf, c'est comme si tu avais affranchi un esclave parmi les fils d'Ismaïl, ceux qui avaient été capturés, parmi les gens de sa tribu. Donc tu fais deux unités de prière. Ça prend 5 minutes. C'est comme si tu avais affranchi un esclave. C'est comme si tu avais affranchi un esclave. Est-ce que lorsque tu as fait ces deux unités de prière pour celui qui a déjà fait le hajj, est-ce que tu as istahdar tazalik? Est-ce que tu avais présent ça dans ton cœur et dans ton esprit lorsque tu faisais ces deux unités? Allahu alam. Amma tawafuka bis-safa wal-marwa isma'u hal. Takadu al-ayna la tusaddiq dhalik. Lawla an qad thabata hadha al-hadith وصححه أهل العلم أو حسنه كالعلامة المحدث الألباني رحمه الله تعالى لاستعظمنا ذلك. اسمع هذا وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما ركعتاك أو أما طوافك بالصفاء والمروة كعتق 70 رقبة كعتق 70 رقبة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'informe mon frère, toi qui vas faire le pèlerinage et toi ma soeur qui va accomplir le pèlerinage, inshallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit, lorsque tu marches entre Safa et Marwa, c'est comme si tu avais affranchi 70 esclaves. Si on n'avait pas vu ce hadith dans les livres de hadith, et si on n'avait pas vu les savants du hadith dire qu'il était bon, on n'aurait pas pu le citer. Tellement la récompense est énorme. Mais il n'y a rien d'étonnant. Car c'est une récompense qui est donnée de la part du plus généreux, du roi des rois, du plus riche, de celui qui est Rahim Wadud. Subhanahu wa ta'ala. Donc lorsque tu marches entre Safa et Marwa, c'est comme si tu avais affranchi, ou bien tu as la récompense d'avoir affranchi 70 esclaves parmi les enfants d'Ismaïl, alayhi salam. Ensuite, non, dans le hadith, il n'y a pas parmi les enfants d'Ismaïl, ça c'est les deux raka'ah après le tawaf. Amma wukufuka ashiyata arafa, fa inna Allah yahbitu ila sama'i dunya, fa yubahi bikum al malaikata yaqul, ibadi, ja'u shu'tan, min kulli fajjin amir. يرجون رحمتي فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كقطر المطر أو كزبد البحر لا غفرتها. ألا تسمع يا عبد الله كما كرم الله وسعة رحمته وفضله وإحسانه سبحانه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, en ce qui concerne le temps que tu passes à Arafah, ce jour-là, Allah descend au ciel de ce bas monde et se vante de vous, vous les serviteurs d'Allah, vous qui êtes en train d'effectuer le pèlerinage. Allah se vante de vous et dit aux anges, voici mes serviteurs. Voici mes serviteurs. Ils me sont venus. Ja'ouni. لاحظوا هذه الإضافة إضافة تكريم وتشريف. جاءوني, ils sont venus à moi. Ils me sont venus vers qui? Vers Allah سبحانه وتعالى. Ils me sont venus شعثان. Comment on va traduire شعثان? Ébouriffé. Ils me sont venus ébouriffé de toute contrée. Ils espèrent ma miséricorde si leur péché était équivalent au nombre des grains de sable qu'il y a sur la terre, ou au nombre des gouttes d'eau qui descend avec la pluie, ou au nombre des gouttes d'eau qui descend avec la pluie, ou équivalent à l'écume de la mer. L'écume de la mer, c'est tout ce que vous voyez au-dessus de la mer, comme déchets, comme mousse, comme et ainsi de suite. Donc, si leur péché était équivalent au nombre des grains de sable ou au nombre des gouttes d'eau qui descendent avec la pluie, ou bien à l'écume de la mer, je leur aurais pardonné. Si tes péchés, mon frère, si nos péchés, plutôt, avaient atteint l'équivalent de cela, Allah nous les aurait pardonnés. Subhanallah. T'accomplis le pèlerinage, quel que soit l'équivalent de tes péchés, Allah te les efface tous. Allah te les pardonne tous. La rafartuha. Afidhu ibadi. Afidhu ibadi. Ensuite Allah dit, venez vers moi, ô mes serviteurs. Venez vers moi, ô mes serviteurs. Marfouran lakum. Vous allez vous voir pardonner. Je vais tous vous pardonner. Marfouran lakum waliman shafa'tum lah. Et pour tous ceux pour qui vous allez intercéder. Subhanallah. Tu fais le hajj, Allah te pardonne tous tes péchés. Et ceux pour qui tu fais du'a, Allah leur pardonne aussi. Alors ne sois pas avare ce jour-là. C'est le meilleur jour de l'année. Wa amma ramyuka bil jimar. Et ça c'est la fin du hadith. Falaka bi kulli hasatin ramaytaha takfiru kabiratin min al-mubiqat. Subhanallah. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: en ce qui concerne le fait de jeter les pierres sur les stèles, pour chaque petite pierre que tu vas jeter, Allah par cela te pardonnera un des grands péchés. Al-mubiqat, c'est al-muhlikat. Un des grands péchés qui a pour habitude de causer la destruction du serviteur. C'est ça la définition d'une mubiqa. Comme al-sihr, tu fais une tawba et tu reviens dans l'islam. Comme le mensonge, comme al-zina, comme le fait de parler sur les femmes chastes, comme le fait de se sauver le jour du djihad, comme le fait de manger des intérêts. Combien sont ceux qui font des crédits avec intérêt? C'est minal mubiqat. C'est minal mubiqat al muhlikat. Ça anéantit la personne. C'est un péché qui anéantit la personne. Celui qui prend un crédit avec intérêt, Allah il lui déclare la guerre. Comme c'est venu dans surat al-Baqarah. Qui peut déclarer la guerre à Allah subhanahu wa ta'ala? Al-Aziz al-Qahhar. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand tu jettes une pierre, pour chaque pierre, Allah te pardonne un grand péché. Rappelle-toi tous tes grands péchés, mon frère. Et toi, ma sœur, combien d'années t'as passé avant l'istiqama? Et combien t'as passé dans l'istiqama avec des péchés? Ben, chaque pierre que tu vas jeter, sache qu'Allah, par cela, te pardonne un grand péché. À la première pierre, tu jettes. À la première stèle, combien de pierres tu jettes? Répondez-moi. 7. À la deuxième, pareil. À la troisième, pareil. Wa'akana. Et tu répètes cela. À chaque fois, rappelle-toi qu'Allah te pardonne un grand péché. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Amma nahruka fa muddakhirun laka 'inda rabbik. En ce qui concerne le sacrifice, c'est une récompense qui a été préparée et réservée, elle se trouve auprès de ton Seigneur. Et dans une autre version, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Le verset qui est dans surat Sajda, c'est une récompense qu'Allah t'a réservée, on ne sait pas c'est quoi. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: أَمَّا حِلَاكُكَ رَأْسَكَ فَلَكَ بِكُلِّ شَعِيرٍ شَعْرَةٍ حَلَقْتَهَا حَسَنَةً. En ce qui concerne le fait de se raser la tête, pour chaque cheveu que tu auras rasé, chaque poil de ta tête, Allah te donne une récompense. Pour chaque poil, Allah te donne une récompense. Alors même si tu as laissé pousser tes cheveux, ça c'est pour l'homme bien sûr, pas que la femme elle coupe ses cheveux. Wallahu musta'an. Tayyib, la femme elle n'a pas le droit de se raser la tête ou faire ou copier à la manière des kafirat, des fasiqat. Tayyib, et en pensant que ça l'embellit. c'est interdire à la femme de se couper les cheveux, coupe garçon, comme on dit. Taïb. Premièrement, elle désobéit à Allah. Deuxièmement, elle désobéit au prophète. Et troisièmement, ajoute à cela qu'elle est moche, comme ça. Ajoute à cela qu'elle ressemble aux perverses parmi les femmes. Min al-kafarati wal-fasiqat. Donc la femme coupe l'espace de cela seulement. Taïb. Par contre, l'homme peut soit se tondre, ou comment on va dire ça, diminuer à la tondeuse, d'accord, soit se raser. Et s'il rase, au rasoir, c'est encore mieux, car le prophète a fait trois doigts pour ceux qui se rasent et une seule pour ceux qui diminuent. Pour chaque poil, Allah te donne une récompense. En ce qui concerne le dernier tawaf, tu feras le tawaf et tu n'auras plus aucun péché sur toi. Le prophète sallam dit: "Amma tawafuka bil bayt ba'da dhalik fa innaka tatuf wa la dhanba lak." Tu fais le dernier tawaf alors que tu es vide. Tu es pur de tout péché. Tu es pur de tout péché. Qu'est-ce que tu veux de plus que cela? Qu'est-ce que tu veux de plus que cela? Et pourtant, il y a plus que cela. Ensuite, à la fin du hadith, et c'est la dernière phrase du hadith, wala dhanba lak ya'ti malakun hatta yad'a afwan yadayhi bayna katifayk fa yaqul isma' hadha i'mal fima tastaqbil faqad ghufira lak. À la fin, tu as fini ton hajj. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un ange qui vient. Il y a un ange qui vient, tu le vois pas. Mais c'est comme si on le voyait, car c'est l'information du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un ange qui vient et qui met sa main entre tes deux épaules et qui te dit: agis maintenant dans le futur. Va et agis. On t'a pardonné tous tes péchés. Tu commences quand tu sors de chez toi, on te pardonne tes péchés. Pendant le hajj, on te pardonne tes péchés. Et à la fin du hajj, un ange qu'Allah a envoyé vient et met sa main entre tes épaules et te dit: va et pars. On t'a pardonné tous tes péchés. Voici la fin du hadith. Donc, voici certains ou certaines choses parmi les bienfaits du hajj. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce qu'un croyant qui croit en Allah et au jour du jugement dernier, qui n'a pas accompli le pèlerinage, qui a les moyens et la santé et les conditions, entend ce hadith et ensuite ne va pas au hajj? Normalement, mon frère, si tu n'as pas fait le hajj, tu aurais dû te lever pendant la muhadara et aller chercher quelqu'un qui organise le pèlerinage. Donc si vous êtes tous assis, j'en déduis que soit vous n'avez pas les conditions, soit vous êtes tous inscrits. Bihamdillah azza wa jalla. Et la sœur qu'entend ça, soit elle n'écoute plus parce qu'elle est en train de téléphoner à son mahram, lui dire de casser sa tirelire pour effectuer le pèlerinage, soit elle n'a pas de mahram. Et si elle n'a pas de mahram, juste avec sa niya, elle aura les récompenses. Car Allah est généreux et Allah lui a mis comme condition d'avoir un mahram. Donc voici certaines conditions qui m'a été facilité de vous transmettre, certains bienfaits qui m'a été facilité de vous réciter parmi les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour conclure, une chose plus importante que tout ce qu'on vient de citer, el-ikhlas, la sincérité, wa tawba, le repentir. Avant d'aller au hajj, repens-toi d'un repentir sincère et sois sincère même avant de partir au hajj. Chaque billet que tu poses pour faire le pèlerinage et chaque pas, il faut que tu sois sincère, mon frère. Sinon, tu n'auras pas de hasanat. Car celui qui fait des bonnes actions avec ostentation, mais avec ostentation, Allah, le jour du jugement dernier, va lui dire: tu as fait ces actes-là pour quelqu'un d'autre dans ce bas monde-là. Aujourd'hui, tu n'auras aucune récompense de ma part. Va auprès de cette personne-là et regarde si tu trouves une récompense. Fal-hadhari, hadhari, min ad-diya wa shirk. بشتى أنواعه والشرك ظلم عظيم كما قال الله سبحانه وتعالى وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن ييسر لنا الذهاب إلى الحج وكما نسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بتكرار الحج كل سنة وما كان عطاء ربك محظورا ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن على إخواننا الذين لم يحجوا بعد بالحج هذا العام أو الذي يليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. Inch'Allah, on vous informera du prochain cours qui sera sur les rites du Hajj. Ce sera un cours de fiqh qui décrira comment faire le Hajj. Là, c'était les bienfaits du pèlerinage, afin de vous donner la motivation nécessaire, Inch'Allah. Le prochain cours, bi'iznillah, sera sur la façon de faire le Hajj, les piliers, les conditions et ainsi de suite. Barakallahu fik. Comment? Quel argent tu peux ramener le bidon? Quel argent? Voilà. Y'a dit combien ça coûte? Non. Ah, faut que l'argent soit halal? Voilà. Aïe, wa barakallahu fik. Ça n'est pas comment tu fais l'argent actuellement pour partir à la Mecque. Aïe. Donc, on nous a fait une bonne remarque sur l'argent pour le Hajj, que tu vas utiliser pendant le Hajj. Évidemment, il faut qu'il soit halal. Il faut qu'il soit halal. Il faut que tu l'aies acquis d'une manière autorisée. Par exemple, quelqu'un qui fait un crédit pour partir au Hajj. Un crédit comment? Avec intérêt. Est-ce que c'est une bonne chose? Non, c'est pas une bonne chose. Tu ne rentrais pas dans les conditions. Quelqu'un qui vole. Quelqu'un qui a de l'argent mélangé avec de l'argent haram. Et ainsi de suite. Ça, c'est haram. Mais, s'il part avec cet argent-là et accomplit le pèlerinage comme le prophète sallam lui a ordonné, comme il a dit, خذوا عني مناسككم, prenez de moi vos rites. يعني القول الصحيح من أقوال المحققين أن حجه يجزئه. Par contre, s'il fait le pèlerinage, même si son argent est haram, son hajj, il passe. Mais il a les péchés. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'il a fait, ce n'est pas accepté. Mais lui, il est dans le péché. Tout ce qu'il va dépenser avec cet argent-là, il est dans le haram. Voyez ? Mais ça ne veut pas dire que son pèlerinage, il passe pas. Et ça, il y a une divergence dessus. Wallahu a'lam. Voyez ? Donc le prochain cours, Inch'Allah, vous allez avoir une annonce. Voyez ? Ou vous pouvez regarder sur le site de la voie droite, Inch'Allah, ce sera annoncé. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum.